Yeah, je pense à l'attaque. Je me méfie tout de forme d'arnaque. Comme un future, yo, je check mon back. Dans le rap, y'a trop de rapaces. Ce que je dis, certaines qualifient de fucking menterie. Viens voir où ce que je vis, tu vas voir. C'est loin d'être des conneries. Aucune joke, j'suis pas de genre à faire des astuces de farce avec ma face. Y'a rien de drôle, il serait peut-être temps de changer rôle. Chanoué de jouer le pion, qui est au place, il va diriger les dirigeants. Rédige les discours pendant que j'essaie de suivre un parcours assez fucked up. Pourquoi je me suis fourré, mais en fait je m'inquiète ça. C'est barré pour tourner, j'ai vu ma vie comme à la rime. Je représente pour ma rime, je compte toute rivalité. Mais si tu rives, c'est sûr, je vais me venger. Mes mots, chat comme des missiles, t'en as deux qu'à mon style. Même si en faire les wash, t'hostile. Ma vie, je veux pas la faire de ça. Je creuse mon chemin dans le sous-sol. Mon chemin dans le sous-sol. L'époque comme un délire. Check, j'arrive, je remets les points saisis. Y'en a trop qui ont pas saisi, ça béfait. Y'a pour le style, puis pour payer, font des deals, yo. L'hip-hop est comme un dérive. Check, j'arrive, je remets les points saisis. Y'en a trop qui ont pas saisi, je rappe joual. Et pour faire mal sur un beat, fait jumper à sale, yo. Fait jumper à sale. L'an passé, j'ai fumé trop de shit, la stage stimulée. Je la détecte à longue distance comme belle. Je mets des cibelles, gratos, pas signé, mais fuck, check, j'suis là pour représenter. Déchirer le mur du son, démolir les horizons. Franchir la ligne en dessous, j'suis rendu rough. Chris, c'est tes shirts avec la broche, passe au track. J'mors pis sans remords, le vent vient du nord, yo, ça vient du Québec. Quand la température ici, ma tête reste prête. Courant glacial sur l'instrumental, si j'garde mon sang chaud, ma tête froide. J'rajoute, j'parle mal, pis j'sens en danger. En sachant sous là, j'peux me fier, les biaches. Faut s'en méfier, non, c'est pas une vache de oui que j'ai dans mon sac. Vache de garde, coulée dans un bâche. Si j'mets le max sur run, j'donne mon shit pour tout le monde. Laval, à Montréal, pis tout le Québec estime. Sauf les fake clics qui sont bons dans mon estime. Mais là, tu pourrais être la next victime. Yo yo, l'époque comme un dérive. Check, j'arrive, j'en mets les points saisis. Y'en a trop qui ont pas saisi. Coup de jack pour être fat, bosse un track. Puis ça sort whack, yo. L'hip-hop comme un dérive. Check, j'arrive, j'en mets les points saisis. Y'en a trop qui ont pas saisi. J'rappe joual, hey, pour faire masse. Un beat fait jumper à sale, yo. Si tu veux me défier, sache mes textes restent affilés. Menace la société, les coffres font rien que s'aggraver. Tout le monde le sait. Les filles d'implos, j'savais plus quoi foutre. Mais le rap restait sur mon sol partout où j'allais. Le rap me trouvait sur l'ange, je représente. Je dépense mon énergie sur le microphone. Wreck le shit, check ce que ça donne. La bombe sonne, ce que je donne, quel autre texte que je consomme. Dans ma tête, le beat résonne. Je pogle le mic pis je t'assomme. Si je rap pas pour le fun, c'est dans mes veines. Si tu freines, je t'advance. Je te d'avance, au nord, marche avec prudence. Pas je récolte mes dividendes. Si je bat, c'est pas que ça me tente. Pas pour approcher les grosses rampes. Qui les poches qui rampent. Tempe 5, tempe 2002, resurrect. Yo, nice. Yo, grave ça dans ta tête.